Cinquième jour. Aujourd'hui, nous avons peu avancé et traversé de vastes étendues en friche. Ici et là, dans le ciel, un peu de bleu. Quand nous appareillons, la lumière est déjà vive et le fleuve scintille comme un miroir duquel, ici et là, de menus poissons surgissent dans un frétillement d'argent. Si peu de courant porte notre bateau que nous croirions faire du surplace, n'était cette ride à fleur d'eau dans notre sillage. Je me sens sereine, dis-tu, tandis que nous marchons sur le pont, ton bras fermement accroché au mien. Notre voyage jusque-là se passe bien. D'abord sont apparues sur le fleuve de longues langues de sable qui évoquaient le dos de quelques reptiles géants à demi immergés. Puis, c'est une île de grande superficie qui maintenant le sépare en deux bras, dont l'un, assez étroit, est délaissé par la plupart des embarcations pour des raisons pratiques évidentes, sans doute aussi en raison de sa plus faible profondeur. C'est vers ce dernier que je gouverne. Non que les autres équipages me dérangent, à peine un salut de la main, un coup de corne au passage, mais comme attiré par la lumière quelque peu irréelle du décor, laquelle, filtrée par le feuillage ajouré des grands arbres qui jalonnent la voie, crée par endroits l'illusion d'une mosaïque lumineuse sur la surface de l'eau. J'émets le vœu que tu t'éveilles pour partager cette vision et suis aussitôt exaucé. Si c'est là le Styx, dis-tu, c'est beaucoup plus beau que ce qu'en disent les livres. Je souris avec toi. Bien qu'avançant lentement, notre bateau n'en dérange pas moins les éléments de la mosaïque, mais celle-ci se recompose ensuite comme effaçant toute trace de notre passage. C'est alors que nous atteignons une sorte de crique abritée, dont la berge est consolidée par des pâles planches, ce qui en facilite l'approche et la possibilité de s'y amarrer. Tu dis, ce n'est pas raisonnable, je sais, mais j'aimerais tant. Puis cite Rimbaud, à moi l'une de mes folies, et me demande de t'aider à te dévêtir. Quand tu es nu, ton corps très pâle et amaigri, où sont tes épaules de sportive, tes fesses charnues? Tu t'assois sur le rebord du bateau, puis avec le secours de mes bras, te laisse peu à peu glisser dans l'eau que tu trouves froide mais revigorante. Quelques brasses suffisent à t'épuiser, mais comme une enfant, tu dis encore. Et prolonge le plaisir en te laissant flotter sur le dos, bras et jambes écartés. Que le courant m'emporte jusqu'à la mer, lances-tu au ciel. Mais tu n'en agrippes pas moins la gaffe tendue vers toi et te laisses ramener vers le bateau. Une fois sur le pont, tu grelottes. J'ai beau te frictionner avec une serviette, tu grelottes et commences à tousser. Je te vais avec des attentions de père. D'ailleurs, ton corps entièrement glabre n'a-t-il pas retrouvé de son innocence enfantine, femme en devenir, femme à naître à soi-même? Je ne regrette rien. Parviens-tu à dire? C'était si bon qu'une fois encore le temps aurait pu s'arrêter. Mais une fois encore, il ne s'est pas arrêté. La vie continue. Je te prépare un thé vert à siroter bien chaud. Tu y trempes quelques gâteaux secs que tu goûtes avec bonheur, puis, cela fait, tu redresses tête et torse, et tes yeux, sans plus de leurs cils ni sourcils, regardent avec un rien de superbe au-delà de la proue de notre bateau, au-delà du fleuve mosaïque, loin vers la mer. Le voyage continue. Sixième jour. Aujourd'hui, nous sommes entrés dans la ville. Des centaines de fenêtres regardent le fleuve. Le courant est irrégulier et notre bateau avance à son gré. Tu somnoles? Et je revois une photo de nous si longtemps exposée sur un meuble de notre maison, sans cadre ni verre, juste un renfort de carton-plume que la lumière en avait estompé d'abord les couleurs, puis les détails, nous fondant dans un décor pâle et méconnaissable où nous n'avions plus ni expression, ni âge, effaçant en quelque sorte ce qui avait été ce jour-là. Partant de là, et extrapolant quelque peu, j'en viens à me dire qu'avec toi, c'est un peu de ma mémoire qui va s'en aller. Car qui saura me rappeler celui que j'étais à 20 ou 30 ans? Qui m'aidera à revivre tel jour, à revoir tel lieu? Qui rehaussera de couleur mes souvenirs? J'en éprouve soudain comme une sensation de vertige et m'agrippe à la barre de pilotage comme à un garde-fou surplombant un précipice. Quand tu ouvres les yeux, c'est pour me dire que tu n'aimes pas mon air grave, que tu soupçonnes la présence de quelques nuages sombres dans ma tête et, sans doute désireuse de les enchasser, tu me fais signe d'approcher. Après avoir bloqué la barre, je vais m'asseoir près de toi, pose une main sur les tiennes que tu as croisées sur ton ventre. N'appuie pas trop, soupires-tu. Alors je déplace ma main, la glisse sous le plaid, la niche entre tes cuisses, là où il fait toujours chaud. Aucun risque de dérive, le fleuve est ici rectiligne et de belle largeur. Tu te souviens, dis-tu, de cet échange joyeux entre Winnie the Pooh et Piglet? What day is it? Demandait le premier. It's today, répondait son compagnon. My favorite day, s'exclamait Winnie. Ayant joué de ta voix pour citer au mieux les deux personnages, tu me regardes ensuite fixement. Quelle belle leçon de vie, n'est-ce pas? Mais alors que j'esquisse le geste de retirer ma main d'entre tes cuisses, tu l'emprisonnes en étau et poursuis le dialogue. Le présent est une invention, dit Piglet. Alors, inventons-le ensemble, propose Winnie. Tu aurais voulu continuer sur ce même ton, mais la fatigue a tôt raison de ton imagination. Tes yeux se ferment. Tes cuisses libèrent ma main, ta tête s'affaisse sur le côté. Un même sourire alors éclaire nos visages. Les sombres nuages se sont dissipés. Aujourd'hui est mon jour préféré. Septième jour. Aujourd'hui, nous avons appareillé en milieu de matinée. Le ciel était d'un bleu très pâle et lumineux, avec ici et là quelques nuages effilochés comme des guenilles. Depuis des jours, tu ne manges plus, mon amour, ou si peu. Le rien de trop ressort aussitôt. Tu t'affaiblis. Mais malgré tout, t'astreins à quitter le lit et même à faire quelques pas sur le pont, agrippé, serré à mon bras, ou prenant appui sur tout ce qui se présente, disant « Le temps est loin, comme dans la chanson, de nos 20 ans et des courses en montagne. Aujourd'hui moins qu'hier et plus que demain, jusqu'à ne plus rien pouvoir. Assise sur le banc de poupe, tu me demandes si c'est dans ta tête une illusion, peut-être. Mais il te semble que les rives se sont éloignées, que la ville, les constructions, les figures humaines ont rapetissé, que les ponts, forcément, en paraissent plus longs, plus imposants. Je te rassure, ton observation est juste. Il en ira désormais ainsi, le fleuve s'épanouira en largeur jusqu'à la mer. Mais nous n'en sommes pas pour autant au terme de notre voyage, loin s'en faut. Tu souris. Huitième jour. Aujourd'hui, nous avons avancé vite, trop à notre goût, et descendu le fleuve sur une bonne distance. Mais qu'avons-nous vu? Quelles images retiendrons-nous? Heureusement, nous avons su forcer une escale. Dès matin, tu dis ton corps endolori, ta poitrine dans un corset trop serré. Alors je t'aide à te lever, puis à te vêtir après toilette, enfin à marcher jusqu'à ta chaise longue et à t'y installer, coussin sous la tête, plaid sur les jambes. Tu es bien là, oui, mais épuisé. Le soleil est déjà haut quand nous appareillons. La ville fourmille et gronde dans un lointain hors de nos sens, à moins qu'assourdi par le fracas intérieur qui nous ébranle. Notre bateau m'apparaît voguant dans une boule de verre qu'un touriste aurait fait tomber d'un pont. Il n'y a de houle et de vent fort que pour nous. Ainsi allons-nous tout le matin, aveugles et sourds au monde, porté par un courant qui m'oblige à vigilance, front plissé, air renfrogné, regard fixe, mes mains crispées à blanc sur la barre. Où allons-nous, mon amour? Pour la première fois, j'ai vraiment peur. Puis, alors que nous venons de franchir plusieurs ponts, entre les piles desquelles l'eau tourbillonne comme sous l'effet d'un sort malveillant, tu me désignes à tribord un endroit encore éloigné, un renfoncement dans la berge, un ponton aménagé. Arrêtons-nous là, dis-tu. Il le faut. Sitôt amarrés, nous laissons couler nos larmes. D'abord chacun pour soi, puis en les mêlant dans une longue étreinte. Enfin tu parles. Et c'est effort pour toi, car les mots te sont désormais difficiles. Tu dis, ce voyage, cette descente du fleuve, nous l'avons voulu. Mais nous ne devons pas l'accomplir à son terme dans la tristesse et la peur. S'il est entendu que nous sommes dans le même bateau, il l'est tout autant que nous n'y sommes pas dans le même dessein. Tu dois penser à toi, maintenant. M'accompagner, certes, mais penser aussi à toi. Là, tu t'arrêtes. Une quinte de toux te déchire la poitrine, profond à l'intérieur. Quand tu sèches tes larmes, je te promets, oui, je t'accompagnerai là-bas, jusqu'à la mer. Puis je m'en reviendrai sans me retourner, ou peut-être une seule fois. Orphée, souviens-toi, mais tu n'es pas Eurydice, et c'était leur histoire, pas la nôtre. Tu souris, et d'un coup la boule de verre qui nous enfermait depuis le matin s'ouvre comme un œuf et nous libère. Le ciel se colore de grands aplats bleus. La ville se matérialise sous les traits d'un crayon vif, qui entrecroisent et mêlent toutes sortes de lignes. Enfin, des sons nous parviennent, cacophonie assourdie de moteurs, avertisseurs et voix. Mais sans doute y avait-il aussi, au-delà de la ligne d'arbres dressée derrière nous, un chef d'orchestre qui n'attendait que ce moment pour intervenir, jouer de sa baguette après avoir fendu l'air par trois fois, car un air de valse soudain s'élève et nous fige dans notre étonnement. Après quelques mesures, je dis, curieux, je vais voir, et déjà m'apprête à gagner le ponton quand tu me retiens, tout à l'heure, dis-tu. Et bras tendus, tu ajoutes, fais-moi d'abord danser. Je t'aide à te redresser. Et tu m'enlaces, quand tu m'enlaçais le tronc de ces grands arbres dont tu voulais épuiser l'énergie, puis pose tes pieds sur les miens, et je te fais tourner ainsi, sur place, lentement, ma joue, mes lèvres effleurant ton crâne nu, jusqu'à ce que la musique cesse, et même après, comme si nous l'avions désormais en tête et qu'elle nous portait à la manière d'une mécanique intérieure. Toutefois, celle-ci, comme ton corps bientôt, s'épuise, et tu regagnes ta chaise, t'abandonnes à mes mains qui te caressent et te couvrent, plaid et turban, réajustes le coussin derrière ta tête. C'était beau, dis-tu. Un sourire éclaire alors ton visage, puis tes paupières s'abaissent et tu t'éloignes. Nous reprenons le fleuve dans l'après-midi, non pas léger mais moins lourd, toi plus apaisé que moi, un livre ouvert entre les mains, un florilège de poésie contemporaine que tu dégustes vers à vers, Antoine Émaz, Chantal d'Anjou, Lucien Vasselin, Bernard Bretonnière et tant d'autres, tandis que notre bateau s'inscrit dans le fil du courant. Qui nous verrait alors passer depuis les berges ou d'un pont ne croirait pas que nous allons vers la mer. Je fais lecture du paysage, comme toi de poésie. Repère le noyau originel des bourgades qui autrefois jalonnaient le fleuve, clochers, châteaux, fortifications. Vois comment les quartiers neufs se sont greffés sur son pourtour, puis ont proliféré ici et là, en profondeur et hauteur, jusqu'à occuper tout l'espace le long des berges, couvrir champs et friches, dresser à l'arrière-plan des barres d'immeubles que l'on dirait remparts. Qu'y a-t-il au-delà? Je me demande. Quelle vie? Quelle perspective! Puis je me plais à imaginer que les fenêtres à l'arrière des immeubles ouvrent sur des ailleurs insoupçonnés, plaines vierges, à perte de vue, forêts sauvages, que tout est encore possible, que la vie n'est pas une, mais plurielle, et que nous sommes tous à renaître un jour prochain. Hélas, pour séduisante qu'elle soit, l'idée avorte sitôt conçue. Je n'y crois pas, n'y ai jamais cru. Seul compte le présent qui contient la vie. Seul compte ce présent qu'il convient de vivre. Le soir venu, nous faisons escale au bord de la ville et comme au matin, je t'aide à te mouvoir et à te dévêtir, puis quand les bruits du dehors se sont atténués, quand nos corps ont trouvé à s'emboîter, au lieu de bonne nuit, chacun murmure à l'autre, merci la vie. 9e jour. Aujourd'hui, nous avons compris que l'estuaire était proche, car il nous arrive par moments des bouffées d'air iodées et aussi nous ressentons davantage l'effet des marées. Comme la veille et comme il en aura désormais jusqu'au dernier jour, je t'assiste dans tes préparatifs matinaux, trouvant plaisir à laver ton corps glabre et amaigri, avec des attentions d'amant, te suggérant telle parure de lingerie fine, même si je sais devoir aussitôt la recouvrir de multiples couches, tels pendants d'oreilles qui dépasseront de ton turban. Et toi-même, je le vois à tes paupières mi-closes, à ce frémissement aux commissures de tes lèvres, goûte ce moment d'abandon total, de complicité amoureuse et sensuelle. Nous appareillons tard, mais qu'importe, puisqu'aucun programme établi, aucun carnet de route, et d'ailleurs, que signifie tard quand on vit en marge du temps? Nous avançons à vitesse régulière, une brise nous enveloppe, douce et chargée d'iode, tu dis la mer est proche. D'ailleurs, j'en ai rêvé. Il y avait un phare. Il y aura un phare, tu verras. Et c'est dans sa lueur intermittente que nous nous quitterons. Je t'interromps. Le temps n'est pas encore venu. Il nous reste aujourd'hui, demain, peut-être un autre jour. Tu as raison, dis-tu. Mais n'en reprends pas moins le récit de ton rêve, par bribes, car le souffle te fait défaut. Comment tu marchais seul sur une langue de terre que la marée recouvrait derrière toi, t'isolant des quelques-uns qui te suivaient? Comment bientôt ceux-là durent rebrousser chemin? Je t'interromps à nouveau. C'est un rêve, me dis-tu. Un rêve, comme on en fait parfois, qui mettent en scène une autre réalité, nous la rendant ainsi visible, tangible, concevable. La poésie, l'art en général, n'a parfois d'autre dessein. Il n'est que le phare, ajoutes-tu? Il n'est que le phare dont je sois vraiment certaine. Puis, d'avoir trop parlé, tu sombres dans la somnolence, et ton livre, celui que tu avais en main sans plus guère parvenir à le lire, sinon des vers épars, des phrases tronquées, glisse ouvert au sol, d'où je le ramasse et le range après en avoir corné la page pour faire repère, te retrouver là où tu en étais, me dire après toi que la poésie ne ment pas. Ne ment jamais. Merci, Jacques-François.